Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 4 une communication contre les États-Unis qui ont fini par commencer les exercices militaires contre nous de pair avec les bellicistes sud-coréens malgré nos avertissements réitérés. Il indique notamment: les présentes manœuvres militaires conjointes livrées en Corée du Sud par les États-Unis de façon inouïe dans l'histoire sont le simulacre de guerre nucléaire le plus ouvert destiné à précipiter la péninsule coréenne et l'Asie Nord-Est dans les catastrophes nucléaires. Ces manœuvres américaines pour la guerre nucléaire sont d'autant plus dangereuses du fait qu'elles coïncident avec leur monnaie sans précédent pour la pression et l'ascension politico-économique contre nous, tout en mettant en cause notre renforcement des armements nucléaires. Les États-Unis dénaturent l'opinion publique comme si leurs Killisolve Aigle sont livrés face à notre possession nucléaire, mais cela est un sophisme mensonger. La réalité montre nettement que le seul moyen pour défendre la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et dans le reste de la région face aux menaces et chantages nucléaires des États-Unis et de leurs alliés est de renforcer davantage, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, les armements nucléaires permettant de réaliser l'équilibre de forces capables de repousser sans pitié les agresseurs et provocateurs. Jamais nous ne tolérerons la pression militaire et la tentative d'agression ouverte de la nouvelle administration américaine qui parle de la paix basée sur les forces. Nos militaires et civils sont fermement déterminés à consolider davantage la dissuasion autodéfensive axée sur les armements nucléaires stratégiques destinés à mettre fin radicalement aux dangers de guerre nucléaire imposés par les États-Unis. Et si les agresseurs tentent la moindre provocation, nous les châtierons catégoriquement par les frappes de représailles.